Pour ceux qui sont ici pour la première fois, dans la deuxième partie, vous pouvez poser des questions par écrit. Il y a des papiers ainsi que des crayons sur les tables à votre disposition pour ce faire. Maintenant, j'aimerais aussi vous rappeler que nous avons cette semaine, c'est-à-dire tout l'été, notre promotion en collaboration avec notre fournisseur de cassettes qui consiste en ceci. Quand vous achetez le billet pour la prochaine conférence, en l'occurrence, notre prochaine conférence va être le 3 août, car nous fermons pour deux vendredis de suite. Alors, tous ceux qui achètent le billet pour la conférence du 3 août, nous leur remettons une cassette d'une valeur de 7$ qui est la première partie de cette conférence de ce soir. Nous prenons une pause de 20 minutes et puis on vous revient tantôt.